J'ai même plus besoin de me présenter. Cobala délicieux, le jeune rappeur le plus attendu. Allô. Eh ben ton dingue, c'est Chris. Ouais. Tu connais? Ah ouais. Il y a un raid en ce moment. Ouais. Nos zincs, on va aller écouter nos zincs. C'est là. On va faire les recettes là. Pour ma jolie sportive, tu connais. Mais t'arrives pas à choisir la quête. Je regarde dans toi et je vois ta plus bonne laquelle. Et les cœurs commencent à me faire chier. À venir tous les jours juste pour jouer à chat. La vie tient bon. Comba, il a fait un score de vendredi à vendredi, les gars. Comba. Ok, merci à tous. Regarde mon chichon, ouvre le sévère comme des pistaches. Tu fais si tu touches ou ton t-shirt sera rempli de chasse. Ma vie retrouve les gens d'une belle vie. Koba, tu sais, tu sais. Koba, tu sais, tu sais. Koba, tu sais, tu sais. Koba, tu sais, tu sais. Koba, tu sais, tu sais. T'as connu le roi, maman, quand tu fais. T'as mesure du rinté, des tonnes de keufs, pas grave, toi même, tu sais. Rigi 22, je stresse. Je revends du shit, c'est écrit. 7 jours après. Oh là là. Mais oui, oui. Mais oui, 7 jours après, 4 du 7. Oh, c'est du piconne. Koba du 7, tu sais. Koba du 7, tu sais. Koba du 7, tu sais.